Chapitre 41e, la fin du voyage. L'hiver avançait, et les jours commençaient à grandir sans apporter avec eux aucun de ces rayons d'espérance qui accompagnent habituellement le soleil de février. Mrs. Thornton avait naturellement tout à fait cessé de venir à la maison. Mr. Thornton venait de temps à autre, mais ses visites étaient pour Mr. Hale, et il restait avec lui dans son cabinet. Mr. Hale le représentait comme étant toujours le même. La rareté même de leur relation semblait leur donner encore plus de prix aux yeux de l'ecclésiastique. D'après ce que Marguerite avait pu savoir de son père, cette rareté des visites de Mr. Thornton ne pouvait être attribuée au mécontentement. Ses affaires s'étaient compliquées de la coalition des ouvriers et demandaient de sa part une attention plus suivie que l'hiver dernier. Marguerite avait même su qu'il s'informait d'elle de temps en temps de la même manière simple et amicale qu'autrefois, ne recherchant pas l'occasion de parler d'elle et ne l'évitant pas non plus. Elle n'était pas en état d'égayer son père et de le sortir de son abattement. La tranquillité monotone du présent avait été précédée par une si longue période d'anxiété mêlée d'orage que son esprit avait perdu toute élasticité. Elle essaya de s'occuper utilement en montrant à lire et en enseignant le catéchisme aux deux plus jeunes enfants de Butcher, et il fit de rudes efforts pour avancer dans la vertu. Je dis rude avec vérité, car son cœur semblait indifférent au but de ses efforts. Et bien qu'elle remplît ponctuellement tous ses devoirs, elle se trouvait aussi éloignée que jamais de la gaieté. La vie lui apparaissait toujours sombre et désolée. La seule chose qu'elle fit bien, c'était ce qu'elle faisait pieusement, mais naturellement, c'était de consoler et de soigner son père. Elle était toujours prête à sympathiser avec chacune de ses idées. Elle devinait et accomplissait ses moindres désirs. C'étaient des désirs bien modérés, sans doute, et à peine les exprimait-il sans hésiter ou s'en excuser. La prompte obéissance de Marguerite n'en était que plus admirable. Le mois de mars annonça la nouvelle du mariage de Frédéric. Il écrivait, ainsi que Dolores, celle-ci dans un anglais, demi-espagnol, et lui-même avec des tours et des inversions qui prouvaient combien l'idiome de sa fiancée lui était naturel. Après avoir reçu la lettre de Henry Lennox qui lui annonçait combien il pouvait peu espérer de réussir à se justifier devant une cour martiale en l'absence des principaux témoins, Frédéric avait écrit une lettre des plus véhémentes dans laquelle il reniait l'Angleterre pour son pays. Il regrettait de ne pouvoir se dénaturaliser et déclarait qu'il n'accepterait pas sa grâce quand même on la lui offrirait et qu'il ne voudrait pas vivre en Angleterre s'il lui était permis de le faire. Toutes ces choses firent verser à Marguerite des larmes amères, tant elles lui parurent coupables et contre nature. Mais en y réfléchissant davantage, elle ne vit là que l'expression du cruel désappointement de toutes les espérances de son frère, et se dit qu'il n'y avait pour le moment d'autre remède à ces maux que la patience. Dans sa lettre suivante, Frédéric parlait si joyeusement de l'avenir qu'il semblait ne plus songer au passé, et Marguerite s'aperçut qu'elle aurait besoin pour elle-même de cette patience qu'elle avait désirée pour lui. Peu à peu, son père et elle trouvèrent du charme aux lettres timides et enfantines de Dolores. La jeune Espagnole était évidemment désireuse de produire une impression favorable sur les parents de son fiancé. Et les lettres annonçant le mariage étaient accompagnées d'une magnifique mantille de dentelle noire, choisie par Dolores elle-même pour sa belle-sœur inconnue, que Frédéric lui avait représentée comme une merveille de beauté, de sagesse et de vertu. Ce mariage donnait à Frédéric une position telle que pouvait la désirer Mr. Hale. Barbour et Company était l'une des maisons les plus importantes d'Espagne. Elle y était reçue comme associée. Marguerite sourit, puis son père en se rappelant ses vieilles tirades contre le commerce. Son frère, son pieux chevalier, était devenu négociant. Mais elle protesta intérieurement contre toute assimilation d'un négociant espagnol avec un manufacturier de Milton. Après tout, commerce ou non, Frédéric était très heureux et la mantille était divine. Elle revint à la vie présente. Son père avait éprouvé au printemps une difficulté à respirer, qui pendant quelque temps l'avait extrêmement inquiété. Elle s'était ensuite rassurée en voyant que cette difficulté disparaissait complètement par intervalle, mais elle était si désireuse de l'en voir tout à fait guérie qu'elle le pressait vivement d'accepter l'invitation de Mr. Bell, de l'aller voir à Oxford au mois d'avril. Marguerite était comprise dans cette invitation. Mr. Bell lui avait même écrit une lettre spéciale pour lui recommander de venir. Mais elle sentait que ce serait un grand soulagement pour elle de rester tranquillement à la maison, exempte de toute responsabilité, le cœur et l'esprit en repos, comme cela ne lui était pas arrivé depuis plus de 2 ans. Lorsque Mr. Hale fut parti pour le chemin de fer, Marguerite se trouva tout étonnée, tout étourdie de se sentir en liberté, de n'avoir personne à égayer, personne à soigner. Elle pouvait donc être paresseuse à son aise, se taire s'il lui plaisait, ne se préoccuper de rien. Elle pouvait surtout, ce qui lui paraissait le plus précieux de tous ses privilèges, elle pouvait être triste et affligée si bon lui semblait. Depuis plusieurs mois, ses inquiétudes et ses chagrins personnels avaient été comme enfermés et mis à part. Elle avait maintenant le loisir de les regarder en face, d'étudier leur nature et d'examiner les meilleurs moyens de retrouver la paix de l'âme. Pendant ces dernières semaines, elle avait conscience de leur existence, quoiqu'ils fussent cachés. Maintenant, elle allait les envisager une fois pour toutes et leur assigner leur véritable place. Elle demeura donc immobile pendant plusieurs heures dans le salon, repassant avec fermeté ses souvenirs dans toute leur amertume. Elle ne put s'empêcher de pleurer tout haut. À la pensée de la faiblesse qui l'avait conduite à ce mensonge humiliant, elle ne convenait même plus avec elle-même de la violence de la tentation. Ses plans au sujet de Frédéric avaient tous échoué, et la tentation lui apparaissait comme une raillerie. Le mensonge lui semblait méprisable et insensé, vu à la lumière des événements qui avaient suivi, et la foi en la puissance de la vérité lui paraissait la vraie et suprême sagesse. Dans son agitation nerveuse, elle avait ouvert sans y faire attention un livre de son père qui était sur la table, et les paroles qui lui tombèrent sous les yeux lui parurent s'appliquer tout particulièrement au sentiment d'humiliation qu'elle éprouvait. « Je ne voudrais pas, disait l'auteur du livre, reprendre mon cœur en cette sorte, meurt de honte, aveugle, impudent, traître et déloyal à ton Dieu, et semblable chose, mais je voudrais le corriger par voie de compassion. Or, sus, mon pauvre cœur, nous voilà tombés dans la fosse, laquelle nous avions tant résolu d'échapper. Ah, relevons-nous et quittons-la pour jamais. Réclamons la miséricorde de Dieu, et espérons en elle qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes. Et remettons-nous au chemin de l'humilité. Courage, soyons sur nos gardes. Dieu nous aidera. » L'humilité, pensa Marguerite. Ah, c'est cela qui m'a manqué. Mais courage, faible cœur, nous retournerons en arrière, et avec l'aide de Dieu, nous retrouverons le bon chemin. Elle se leva, et résolut de s'occuper sur le champ de quelque chose qui l'attira hors d'elle-même. Pour commencer, elle appela Marthe, qui passait devant la porte du salon pour aller en haut, et essaya de percer l'enveloppe grave et respectueuse sur laquelle se cachait son caractère individuel. Elle trouva difficile d'amener Marthe à parler de ce qui lui était personnel, mais elle finit par toucher la corde sensible en nommant Mrs. Thornton. À ce nom, le visage de Marthe rayonna, et il ne fallut pas beaucoup d'encouragement pour lui faire raconter tout au long comment son père à elle avait connu dans sa jeunesse le mari de Mrs. Thornton, et s'était même trouvé en position de lui rendre quelques services. De quelle nature, Marthe l'ignorait, car la chose avait eu lieu lorsqu'elle était tout enfant, et les circonstances avaient ensuite séparé les deux familles jusqu'à l'époque où Maria, étant devenue grande, son père ayant éprouvé malheur sur malheur et sa mère étant morte, elle et sa sœur se fussent certainement perdues, c'était son expression, si Mrs. Thornton ne fût venue à leur secours. « J'avais eu les fièvres, continua-t-elle, et j'étais convalescente. Mrs. Thornton voulut absolument me soigner dans sa propre maison. » Mais elle me fit prendre des bains de mer et me fit suivre toutes les ordonnances des médecins. Ils avaient dit que la fièvre était contagieuse, mais elle ne fit guère attention à cela. Seulement, elle alla avec sa fille passer quelque temps dans la famille où Miss Fanny va se marier. De sorte que, bien que la jeune personne ait eu très peur dans le moment, tout a tourné pour le mieux. « Miss Fanny va se marier ?» s'écria Marguerite. « Oui, avec un monsieur très riche. Seulement, il me semble qu'il est bien vieux pour elle. Il s'appelle Watson. » Et sa filature est au-delà de Hayley. On dit que c'est un très bon mariage, quoiqu'il ait les cheveux tout gris. En apprenant cette nouvelle, Marguerite garda le silence assez longtemps pour que Marthe revînt à son sentiment des convenances et en même temps à la brièveté habituelle de ses réponses. Elle balaya l'âtre, demanda à quelle heure il faudrait préparer le thé, et quitta la chambre avec le même visage qu'elle avait en y entrant. Marguerite eut à combattre une mauvaise habitude qu'elle avait prise depuis quelque temps. C'était de chercher à se représenter de quelle manière chaque événement relatif à Mr. Thornton, dont elle entendait parler, affecterait celui-ci, s'il lui plairait ou lui déplairait, lui causerait de la peine ou du plaisir, etc. Le lendemain, elle donna la leçon aux enfants de Butcher et elle fit une longue promenade qu'elle termina par une visite à Mary Higgins. Elle fut surprise de trouver Nicholas de retour de l'ouvrage. Les jours qui grandissaient l'avaient trompé sur l'heure. Lui aussi paraissait être davantage sur le chemin de l'humilité. Il était plus calme et moins tranchant. « Et comme ça, le bon monsieur est parti en voyage, ce que m'ont dit les petits » fit-il. « Ah, ce sont des gars bien avisés. Il me semble quelquefois qu'ils sont plus malins que n'étaient mes filles. Quoique ce soit peut-être mal de dire ça, vu qu'une d'elles est dans la tombe. Je suppose qu'il y a quelque chose dans le temps qui donne aux gens envie de se promener. Le patron aussi est en train de courir le monde. » « Est-ce pour cela que vous êtes revenu de si bonne heure ce soir ?» dit innocemment Marguerite. « Vous ne comprenez rien aux choses, » dit Nicolas avec mépris. « Je n'ai pas deux manières de faire, une quand le maître est là et une autre quand il a le dos tourné. J'ai entendu sonner l'heure à l'horloge de la ville avant de quitter l'ouvrage. Non, on peut se disputer avec Thornton, mais on aurait tort de le tricher. C'est vous qui m'avez fait avoir la place, et je vous en remercie. » La filature de Thornton n'est pas une mauvaise filature par le temps qui court. Voyons, garçon, tiens-toi debout et récite ta jolie hymne à Miss Marguerite. C'est cela, droit sur tes jambes, le bras en avant. Le petit garçon répéta une hymne méthodiste fort au-dessus de sa compréhension quant au sens, mais dont son oreille avait saisi le rythme et qu'il débitait avec autant de cadence qu'un membre du Parlement qui prononce son discours. Lorsque Marguerite eut applaudi comme il convenait, Nicolas demanda à l'enfant une autre hymne, puis une autre encore. Il se trouvait ainsi amené, sans le savoir, à prendre intérêt aux doctrines sacrées qu'il avait rejetées d'abord avec mépris. L'heure était avancée lorsque Marguerite revint chez elle, mais elle eut la consolation de penser que personne ne l'avait attendue, et celle de réfléchir à ce qui lui plaisait en se reposant, au lieu d'étudier avec anxiété la figure d'une autre personne pour savoir si elle devait être gaie ou triste. Après avoir pris le thé, elle résolut d'examiner un volumineux paquet de lettres, dont la plupart devaient être détruites. Dans le nombre, elle en trouva 4 ou 5 de Mr. Henry Lennox ayant trait aux affaires de Frédéric. Elle les relut avec soin, d'abord dans la seule intention de se rendre compte des chances qui restaient à son frère de se justifier. Mais lorsqu'elle eut fini la dernière, ce qu'elle révélait du caractère personnel de celui qui les avait écrites attira son attention. Il était évident, d'après la roideur officielle du style, que Mr. Lennox, malgré l'intérêt que pouvait lui inspirer d'ailleurs le sujet de cette correspondance, n'avait pas oublié et n'avait jamais perdu de vue ce qui s'était passé entre eux à Hailstone. Ses lettres étaient d'un homme habile et intelligent, cela se voyait au premier coup d'œil, mais elles manquaient de naturel et de cordialité. Elles étaient néanmoins de celles que Marguerite voulait conserver. Elle les mit donc soigneusement de côté. Après avoir terminé ce petit rangement, elle se laissa aller à la rêverie, et la pensée de son père absent se présenta avec force à son esprit. Elle se reprocha presque d'avoir tourné dans sa solitude, et par conséquent dans l'absence de son père, une sorte de soulagement. Mais ces 2 jours de calme l'avaient reposée, et elle se sentait animée d'une force nouvelle. Des choses qu'elle avait envisagées comme des devoirs pénibles lui apparaissait maintenant comme des plaisirs. Les écailles morbides étaient tombées de ses yeux. Il voyait sous un jour plus vrai sa position et la tâche qu'elle avait à remplir. Il lui semblait que si Mr. Thornton lui eût rendu son ancienne amitié, si seulement il fût venu de temps en temps comme autrefois égayer un peu son père, quand même elle n'eût pas dû le voir, sa vie future, bien que peu brillante, lui semblerait douce. Elle soupira en allant se coucher. Malgré toutes ses résolutions, elle se sentait au cœur de l'angoisse et de l'inquiétude. Mr. Hale, pendant cette soirée d'avril, pensait à Marguerite avec la même préoccupation et la même persistance avec lesquelles elle pensait à lui. Il s'était fatigué à visiter ses anciens amis et les endroits qui lui avaient été familiers. Il s'était exagéré le changement que ses nouvelles opinions devaient produire dans la réception que lui feraient ses amis. Mais quoique plusieurs d'entre eux eussent pu être affligés, indignés même en apprenant sa scission d'avec l'Église anglicane, lorsqu'ils aperçurent l'homme qu'ils avaient autrefois aimé, ils ne songèrent plus à ses opinions, ou ne se les rappelèrent que pour lui témoigner une affection plus grave et plus tendre. Car Mr. Hale n'avait été connu que du petit nombre. Il avait appartenu à un collège peu nombreux et avait toujours été timide et réservé. Mais ceux qui, lors de sa jeunesse, avaient pris la peine de découvrir la délicatesse de pensée et de sentiments cachés sous son silence et son indécision, l'avaient aimé avec quelque chose de la tendresse protectrice que leur eût inspiré une femme. Et le renouvellement de ces témoignages d'affection, au bout de tant d'années et après tant de changements, avait agité et oppressé Mr. Hale plus que ne l'eussent pu faire la rudesse et la désapprobation. « J'ai peur que nous en ayons trop fait aujourd'hui, » dit Mr. Bell. « Vous avez vécu si longtemps dans cet air enfumé de Milton que celui d'Oxford vous paraît trop vif. » « Je suis fatigué, en effet. Mais cela ne tient pas à l'air de Milton. » J'ai 55 ans, et cela explique la diminution de mes forces. Bah, j'en ai plus de 60, et je ne sens aucune diminution de mes forces physiques ou intellectuelles. Ne venez pas me dire de ces choses-là, 55 ans, mais vous êtes un jeune homme. Mr. Hale secoua la tête. Ces dernières années, soupira-t-il. Mais après une pause de quelques instants, il se redressa sur son siège et dit avec une gravité pleine d'émotion, Belle. « Il ne faut pas que vous croyiez que, quand j'aurai prévu tout ce qui a suivi mon changement d'opinion et la résignation de mon bénéfice, quand bien même j'aurais su tout ce qu'elle devait souffrir, je n'eusse pas agi comme j'ai fait. Il ne faut pas croire que je regrette l'acte par lequel j'ai reconnu ouvertement que je n'avais plus les mêmes croyances que l'Église dont j'étais le prêtre. Je pense encore aujourd'hui, qu'eussé-je même prévu le martyre le plus cruel de tous, les souffrances de celles que j'aimais, j'aurais agi de même, du moins quant à ce qui était d'abandonner ouvertement l'Église anglicane. J'aurais pu, peut-être, me conduire différemment et avec plus d'habileté dans ce que j'ai fait ensuite au sujet de ma famille. Mais je crois que Dieu ne m'a pas doué de beaucoup de force ni de sagesse, ajouta-t-il en retombant dans sa première position. Mr. Bell se moucha avec bruit, puis il répondit. Il vous a donné la force d'agir suivant votre conscience. Et je ne vois pas que nous ayons besoin d'une force et d'une sagesse plus grandes que celle-là. Je sais que pour moi, je n'ai rien de plus. Et cependant, les hommes, dans leurs jugements erronés, me regardent comme un homme sage, d'un caractère indépendant, d'un esprit solide. Le plus simple idiot qui obéit à son idée du bien, ne fût-ce qu'en essuyant ses pieds sur un paillasson, est plus sage et plus fort que moi. Mais que les hommes sont donc dupes aisément. Il se fit un silence. Mr. Hale reprit la parole suivant le cours de ses pensées. « Et Marguerite, » dit-il. « Eh bien quoi, Marguerite ? Si je meurs ? Vous êtes absurde. Que deviendra-t-elle ? Je me le demande souvent. Je suppose que les Lennox la prendront avec eux. J'aime du moins me le persuader. Sa tante Cho l'aimait à sa manière, mais je crains qu'elle n'ait oublié les absents. » C'est un défaut assez commun. Quelle sorte de gens sont les Lennox ? Lui est un bel homme, aimable, parlant avec facilité. Edith est une charmante enfant gâtée. Marguerite l'aime de tout son cœur et elle le lui rend quand elle y pense. Mais moi, Hale, vous savez que votre fille tient une grande place dans mon cœur, je vous l'ai déjà dit. Naturellement, je m'intéressais déjà à elle comme étant votre fille et ma filleule. Mais la visite que j'ai faite à Milton m'a rendu son esclave. Elle a fait ma conquête, et je me suis volontairement attaché à son char. Ainsi donc, tout ce que je possède sera à son service, si jamais elle en a besoin, et il lui appartiendra après ma mort, qu'elle le veuille ou non. En outre, je serai toujours son proche chevalier, malgré ma goutte et mes 60 ans. Sérieusement, mon ami, protéger votre fille sera un grand bonheur pour moi, et je serai toujours prêt à l'aider de mes conseils, comme de ma bourse. Je ne vois pas qu'il y ait lieu de s'affliger à son sujet. Je le sais, du reste, depuis longtemps, il faut que vous vous tourmentiez de quelque chose. Vous ne seriez pas heureux sans cela. Mais vous vivrez plus longtemps que moi. Vous autres gens maigres et délicats, on croit toujours que vous allez mourir et cela ne vous empêche pas de devenir très vieux. Ce sont les hommes gras et bien portants qui s'en vont les premiers. » Si Mistabel avait été doué d'un coup d'œil prophétique, il eût pu voir la torche à demi renversée et l'ange de la mort, à la face calme et grave, faisant signe à son ami de le suivre. Ce soir-là, Mr. Hale se coucha pour ne plus se relever. Le domestique qui entra dans sa chambre le lendemain matin, lui ayant parlé sans recevoir de réponse, s'approcha du lit et vit sa belle tête froide et blanche comme le marbre, marquée du sceau terrible de la mort. Son attitude était paisible. On voyait qu'il n'y avait point eu de lutte et qu'il n'avait pas souffert. Le cœur avait cessé de battre, c'était tout. Mr. Bell fut accablé d'un choc si imprévu, et il ne reprit la parole que pour s'irriter de chacune des suggestions de son domestique. « Une enquête ? Absurde ! Tu n'imagines pas que je l'ai empoisonné ? Le docteur Forbes a dit que c'est la fin naturelle d'une maladie de cœur. Pauvre cher Hale, tu l'as usé avant le temps, ce cœur trop tendre. Pauvre vieil ami. Comme il me parlait de ça. Wallis, prépare mon sac de nuit en 5 minutes. Et moi, qui suis là à causer. En 5 minutes, te dis-je. Il faut que je parte pour Milton par le premier train. » 20 minutes plus tard, Mr. Bell arrivait à la station du chemin de fer et montait dans un wagon. Il s'enfonça dans son siège et, fermant les yeux, il essaya de comprendre comment un homme en vie et en santé la veille pouvait être mort en ce moment. Et bientôt des larmes glissèrent entre ses paupières. Mais il ouvrit les yeux et se redressa, ne voulant pas, pensait-il, pleurnicher devant des étrangers. Il n'y avait dans le wagon qu'un seul voyageur qui était assis à l'autre coin, du même côté que Mr. Bell. Un peu plus tard, celui-ci se mit à l'examiner pour savoir devant quelle sorte d'homme il s'était ainsi laissé aller à son émotion, et derrière un numéro déplié du Times, il reconnut Mr. Thornton. « Tiens, Thornton, » s'écria-t-il en se rapprochant. Il secoua chaleureusement la main de Mr. Thornton, puis il la laissa tout à coup aller pour essuyer ses larmes, car la dernière fois qu'il avait vu le manufacturier de Milton, c'était chez son ami Hale. « Je vais à Milton pour un triste motif. Je vais apprendre à la fille de Hale la mort subite de son père. »« La mort ? Mr. Hale est mort ?»« Je suis à me le répéter sans pouvoir encore le croire. Il est mort, néanmoins. Il s'est couché hier au soir, bien portant, selon toute apparence, et ce matin, mon domestique l'a trouvé froid dans son lit. Mais où donc ? Je ne comprends rien. » À Oxford. Il était venu m'y voir. Il n'avait pas revu Oxford depuis 17 ans. Et voilà ce qui est arrivé. » Il eut un silence d'environ un quart d'heure, puis Mr. Thornton dit « Et elle ?» Puis il s'arrêta court. « Marguerite, vous voulez dire. Hélas, je vais le lui apprendre. Pauvre homme. Comme il pensait à elle hier soir, grand Dieu. Ce n'était qu'hier soir. Et à quelle distance infinie il est d'elle maintenant. Mais je regarderai Marguerite comme ma fille, pour l'amour de lui. Je lui disais hier au soir que je le ferai pour l'amour d'elle. Eh bien, ce sera pour tous les deux. » Mr. Thornton fit quelques efforts infructueux pour parler avant de pouvoir prononcer ces mots. « Que va-t-elle devenir ? » ?»« Je crois qu'il y a 2 personnes qui la demanderont. Moi, d'abord. Je prendrai un dragon vivant dans ma maison s'il était nécessaire pour lui servir de chaperon. Et je serais trop heureux d'avoir Marguerite avec moi à ce prix. » Mais il y a les Lennox. Que sont-ils ? Demanda Mr. Thornton d'un air de vif intérêt. Oh, ce sont des gens à la mode qui habitent Londres, et probablement ils se croiront des droits sur elle. Le capitaine Lennox a épousé sa cousine, celle avec laquelle elle a été élevée. Ce sont de bonnes gens, pour ce que j'en sais. Et puis il y a sa tante, Mrs. Shaw. Il y aurait un moyen d'arranger les affaires, ce serait que j'épousasse la vieille dame, mais j'en ai guère envie. Et puis il y a encore ce frère. Quel frère ? Un frère de sa tante ? Non, non, un Lennox qui est fort habile. Le capitaine n'est qu'un sot entre nous. Un jeune avocat qui va faire la cour à Marguerite. Je sais qu'ils sont jaloux depuis 5 ou 6 ans. Un de ses clercs me l'a dit. Il n'était arrêté que par son manque de fortune, et maintenant cet obstacle n'existera plus. Comment cela ? Dit Mr. Thornton avec un intérêt trop sincère pour s'apercevoir de l'impertinence de sa question. Elle aura tout ce que je possède après ma mort. Et si Henry Lennox est digne d'elle, et si elle l'aime, eh bien, elle l'épousera, et je vivrai peut-être avec eux. J'ai une peur terrible de me laisser prendre par l'attente dans quelques moments de faiblesse. » Ni l'un ni l'autre n'était d'humeur à rire, de sorte que la bizarrerie des paroles de Mr. Bell passa inaperçue. Il essaya de siffler. Il changea de place plusieurs fois sans pouvoir en trouver une bonne, tandis que Mr. Thornton demeurait immobile, les yeux fixés sur le journal qu'il avait repris afin de se donner le loisir de réfléchir. « D'où venez-vous donc ?» dit à la fin Mr. Bell. « Du Havre, où je suis allé pour essayer de découvrir la cause de la grande hausse du coton. » « Ah, le coton, la spéculation, la fumée, des machines propres et bien soignées, des mains sales et des gens mourant de faim. Voilà ce qu'on trouve dans votre pays. Pauvre cher Hale, si vous saviez quel changement ça a été pour lui. Connaissez-vous la nouvelle forêt ?»« Oui. » « Eh bien alors, vous pouvez vous représenter la différence qu'il y a entre la vie de ces pays-là et celle de Milton. De quel côté avez-vous été ? Avez-vous vu Helstone, un petit village pittoresque comme il y en a en Suisse ? Vous connaissez Helstone ? Je l'ai vu. » « Ça a dû être certainement un grand changement de le quitter pour venir vivre à Milton, » répondit Mr. Thornton. Et il reprit son journal, de l'air d'un homme résolu à éviter toute nouvelle conversation. Mr. Bell songea de nouveau à ce qui le préoccupait par-dessus tout, à savoir comment il apprendrait la triste nouvelle à Marguerite. Elle était à la fenêtre. Elle le vit descendre de voiture. Elle devina la vérité d'un coup d'œil. Elle demeura immobile au milieu du salon, arrêtée dans son premier mouvement, qui avait été de courir au-devant de Mr. Bell, si pâle qu'elle semblait changée en une statue de pierre. « Oh, ne me dites rien !» s'écria-t-elle, en apercevant Mr. Bell. « Je lis tout sur votre figure. Vous m'auriez envoyé chercher, vous ne l'auriez pas quitté si... s'il vivait encore. Oh, mon père, mon père !»